بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم الحائية لابن أبي داود في عقيدة أهل السنة والجماعة. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki, hafizahullah ta'ala. 15e leçon. Innal hamdalillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. طيب فاليوم aujourd'hui révision du 29e et 30e vers de الحائيات ابن ابي داود رحمه الله تعالى. فقال رحمه الله تعالى قل إنما الإيمان قول ونية وفير على قول النبي مصرح. قل إنما الإيمان قول ونية وفير على قول النبي مصرح. فالآن avec ces vers قل on a dit que c'était في الأمر de قارئ يقول veut dire dit et pour croyance. Innama, c'est une formule qui est employée pour le has, pour limiter les choses. Dit, ce serait traduit par seulement, ou n'est que, quand même. Al-imanu, la foi, ma'alouf, qawlun wa niyatun, son parole et intention. Wa fi'alun, ala qawli nabi musarrahun. Et acte, selon les paroles du prophète, clair. Qu'il a dit clairement. Yani, il veut par ses vers démontrer le sujet de la foi. Quelle est la foi chez les gens de la Sunna? Donc je ne dirais pas. Dit que la foi n'est que parole, intention et acte. Hein? Se basant sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est claire. Fahada. Donc, al-iman, on l'a parlé dans le dias précédent par rapport au Murjia. Et Khawarij, qui est chez les gens de la Sunna, Qawlun bil lisan, une parole de la langue que tu prononces, l'iman, par la Shahada. I'tiqad bil janan, c'est-à-dire que tu la croyance dans le cœur. C'est ça qui veut dire par niya dans le vers. Wa amel bil jawarih, et arkan, qui est des actes des membres. Actes des membres. Et par exemple, parmi les croyances qu'il y a, al-tawhid. Vous voyez, ifradullah bil-ibada. Dans la croyance liée à la foi, al-tawhid. Et parmi, par exemple, les actes du cœur, car le cœur a des actes, mithl al-tawakkul. La confiance apportée en Allah subhanahu wa ta'ala. Quand même. Ou al-mahabba. L'amour apporté en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa al-khawf. La peur légiférée, ou la peur qui est la peur d'adoration, ou la khashiyya, la crainte, et al khushur, mais ça dit l'ibadat, al-latiya fil kolb. Les actes qui sont des actions du cœur. Elles se reflètent par les membres, mais à la base, elles commencent dans le cœur. La peur, par exemple, même si elle peut se voir sur ton visage, quand tu es apeuré, à la base, la peur est où? Dans le cœur. Quelqu'un peut avoir peur, tu ne le vois pas. T'en as, ça se voit, t'en as, ça se voit pas, ça dépend. Naam. Et qol bilisan, comme on a dit, le fait de le prononcer avec sa langue. Et amal jawarih, les actes des membres, comme la salat, comme le hajj, comme le zakat, tout ce qui est acte apparent. Et on a dit que les actes apparents souvent sont appelés islam, et les actes intérieurs sont appelés iman. Quand on dit l'iman tout seul, ça englobe le tout. Et quand on dit islam et iman, quand on différencie entre les deux, ce qui est voulu par l'islam, c'est les actes apparents, comme dans le hadith de Jibril. Arbulun ma wa l'islam. Qala, antashhad an la ilaha illallah, wa anna Muhammad rasulullah, wa tuqim as-salat, wa tu'ti az-zakat, wa tasum ramadan, wa tahujj al-bayt. Donc là, en disant l'islam, qu'est-ce qu'il a dit pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a parlé des actes apparents. Que tu prononces la shahada, ou plutôt les deux attestations, que tu fasses la salat, que tu t'acquittes de la zakat, tu jeûnes Ramadan, ça c'est Hajj, ça c'est Amal Zahira. Il a dit, Abin an al-Iman, fondement de la foi, il a dit quoi? En tu'mina billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa bil yawm al-akhir, wa bi qadri khayri wa sharri. Que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et au destin qu'il soit bon ou mauvais. Ça c'est où? À l'intérieur du corps. Et parfois, les gens limitent cette définition de la foi par qaul wa amel seulement. Qaul wa amel. Des fois, ils disent l'iman wa qaul wa amel. Ils veulent dire quoi par là? On peut dire deux choses. Qaul wa amel. Qaul, on avait dit quoi qaul? Ça peut être dans le sens de irtiqad. Donc, qaul, là, c'est le fait de prononcer et le fait de l'avoir dans le cœur. Ça remplace irtiqad bil qalb. Et amel, c'est amel jawarih. Quand même. Et on peut dire l'autre version qui est qaul, le fait de dire par langue, et amel, c'est les actes du cœur, la croyance, les actes des membres. Donc, si t'entends quelqu'un dire wa qaul wa amel, c'est aussi sahih. S'il veut dire par là, c'est deux sens. Pas même. Donc, parmi les preuves, justement, comme il est dit dans le vers, ala qaul al-nabi musarrahu. Le hadith de l'Abi Hurayra, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'allait al-Iman, c'est tout, n'obidon shu'ba. A'laha, qawlu la ilaha illallah. Naam. A'laha, qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha, imatatul adha' ni tariq, wal hayaw min al-Iman. Que la foi, sab'un wa bidon shu'ba. Je dis Sittoun. Il y a une version, c'est Sittoun. La version, c'est bon. Qui est de 70 dizaines de branches. 70 branches et quelques. La plus haute, c'est le fait de dire La ilaha illallah. Et le fait de le dire inclut quoi? La croyance. Et la plus basse, le fait d'ôter les obstacles du chemin. Donc, ça, c'est quoi? Amal bijawarih. Les actes des membres. Et el-haya, l'iman, la pudeur, c'est partie de la foi. Et la pudeur est où? Dans le cœur. C'est un acte du cœur. Tu le vois à travers les actes de la personne, qu'il est pudique, mais là-bas, c'est une chose qui se ressent intérieurement, la pudeur. Et à la base de l'iman, l'oratène, c'est tasdiq. Le fait de croire. Qu'a fait qu'on était à Allah, ma anta bimu'minin lana. Comme les ont dit les frères de Youssouf, alayhi salam, à leur père Yaakoub, hein? Tu ne nous crois pas. Wa ma anta bi mu'minin lana. Lorsque ils ont perdu leur deuxième frère. Fa qala wa ma anta bi mu'minin lana. Et Cheikh Al-Faymin, il a dit quoi? Il a rajouté le fait de l'ikrar. Le fait d'accepter la chose. Le fait d'accepter la chose. Car on a peut-être qu'ils vont croire, ils vont dire c'est vrai, ils ne vont pas accepter. Comme qui, par exemple, on en parle souvent, Abu Talib. Il a cru son neveu. Il l'a cru, il se trémait qu'il était. Mais il n'a pas accepté. Pourquoi? Par orgueil pour rester sur la religion de ses ancêtres. Donc il est mort là-dessus. Mais il savait très bien que son neveu était véridique et sincère. Donc il a eu le temps de se dire Saddaqahu, lakin ma'akarra. Il n'a pas accepté. Combien de juifs ont dit Sadakta Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont dit tu es un prophète, nous n'acceptons pas. Ça c'est l'orgueil. Ils ont eu le temps de se dire, ils ont eu le temps de se dire. Mais ils n'ont pas eu l'ikrar. Qui aussi a eu le temps de se dire? Irak, quand Abu Sofyan lui a dit, lui a demandé à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il lui a dit, à quoi vous appelle-t-il? Comment est-il? Quand Abu Sufyan lui a tout décrit, il a dit, ce que tu lui es vrai, cet homme-là va posséder là où se trouvent mes deux pieds. Tu sais que c'est un prophète. Je savais qu'il allait venir, je ne pensais pas qu'il viendrait d'entre vous. Donc il l'a cru ou il l'a pas cru? Il l'a cru. Mais est-ce que c'est soumis pour autant? Ça n'a pas été rapporté que c'est soumis. Donc il n'a pas eu l'ikrar. Il a eu le temps de se dire, il n'a pas eu l'ikrar. Non. Taïeb. Donc on a appris déjà la différence qu'il y avait avec les Mourji'a par rapport à l'Iman, l'Aqsam, qu'eux, ils ont sorti les actes de la foi. Et les Mu'tazila, eux, ils ont une croyance, ils ont une définition qui est similaire à celle des gens de la Sunna dans l'Iman, hormis qu'ils ont dit que celui qui commet un grand péché, cela abolit et annule sa foi. Mu'tazila. Comme les Khawarij. Que le fait de commettre un grand péché, cela annule ta foi. Et qu'il est éternellement dans le feu. Badel Maut. Ça, c'est le vers qui concernait la foi. Par rapport à sa définition. Bad Hadha Kol. وَيَنْكُسُ تَوْرًا بِالْمَعَاسِي تَارَ بِتَوْعَتِهِ يَمْنِي وَفِي الْوَزْنِ يَرْجَحُ وَيَنْكُسُ تَوْرًا بِالْمَعَاسِي تَارَةً بِتَوْعَتِهِ يَمْنِي وَفِي الْوَزْنِ يَرْجَحُ. Donc ça, c'est le troisième vers. Où il dit يَنْكُس. وَيَنْكُس, c'est réduit. Elle est réduite. Elle diminue. تَوْرًا, c'est-à-dire tantôt. Tauran wa ta'ra, ça veut dire le même sens. Donc, yankusu tauran bil ma'asi, ta'ratan bi ta'atihi yamni wa fil wazni yarjahu. Donc, il dit qu'elle réduit parfois par les péchés et parfois elle augmente par son obéissance et que cela l'emporte sur la balance. Au fil wazni, yarjahu. Le wazni, c'est le mizan. La balance, yarjahu, c'est l'emporter. On a plus de poids. Souvent, on dit par exemple, quand il y a un khilaf, al-qawlu al-rajih, kaza wa kaza. Ou al-qawlu al-marjuh, kaza wa kaza. Rajih, celui qui l'emporte, prépondérant. Le marjuh, celui qui est en dessous. L'avis le moins correct. Donc, il veut démontrer par là que la foi, dans sa définition également, elle augmente et elle diminue. La foi augmente et diminue. Et cela entre dans la définition de la foi. Qaul bil lisan wa i'tiqad bil janan wa amal bil arkan wa yankus wa yazid bi ta'a wal ma'siya. Que la foi, une croyance du cœur, une parole de la langue, des actes des membres, et qu'elle diminue, qu'elle augmente par la désobéissance ou les péchés. Donc c'est Kaulihi bil ma'asi, ma'asi c'est le jam de ma'asiya qui est désobéissance, transgression. Ta'ara, on a dit, c'est-à-dire tantôt. Bita'atihi, ta'a, c'est des fois vient pour le sens de ibad, adoration, et également le sens de base, c'est obéissance. Yamni et Yazid. Yamni, Yazid, elle augmente. Fil wazn, on a dit c'était quoi la balance. À la base, wazn, c'est un poids. Yarjahu l'emporte. Parmi les preuves que la foi augmente, Qawluhu ta'ala, yazdadu imanan ala imanihim, qui rajoute de la foi à leur foi. Yazidu Allahu allazina irtadaw huda, et que Allah ajoute de la guider à ceux qui ont suivi. Wa qawluhu ta'ala, fa'amma allazina amanu, فَزَادَهُمْ إِمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Et quant à ceux qui ont cru, qu'elle leur ajoutera de la foi, et ils se réjouissent. Ils s'en réjouissent. فَقَالُوا تَعَلَى وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِمَانًا. Que ceux qui ont cru, rajoutent de la foi. Amplifient leur foi. Il y a également le hadith de Hanzara ibn وسيدي أبو ضيف المسلم قال لقيني أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظرة قال قلت نافك حنظرة قال سبحان الله ما تقول قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن ري العين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصفنا الأزواج والأولاد فنسينا كثيرا قال أبو بكر فوالله إن لنلقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نافق حنظرة يا رسول الله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذاك قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن ري العين فإذا خرجنا من عندك عاصفنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظرة ساعة وساعة ثلاث مرات دونك كيل دي كوا حنظرة رضي الله عنه كيل دي كيل رونكونتر أبو بكر et qui lui dit, Abu Bakr lui dit, comment vas-tu? Il dit, je suis devenu un hypocrite. Nafaka Hanzara, c'est-à-dire Hanzara est devenu un hypocrite. Dans le sens. Abu Bakr lui dit, qu'est-ce que tu dis? Il dit, lorsque nous sommes chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il nous rappelle le feu, le paradis, d'accord? Comme si nous l'envoyait de nos propres yeux. Comme si cela était devant nous. Et que si on sort de chez lui, alors, nous sommes distraits par nos enfants et nos femmes, et nous oublions beaucoup. Donc, Abu Bakr, il dit quoi? Par Allah, nous rencontrons la même chose. Nous vivons la même chose, nous aussi. Donc, tous les deux, il dit, nous, je vais partir avec Abu Bakr, jusqu'à ce que nous rentrions chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et je lui dis, Hanzara est devenu un hypocrite au messager d'Allah. Il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'en est-il? Pourquoi tu dis cela? Donc je dis, ô messager d'Allah, nous sommes chez toi, tu nous rappelles le feu, le paradis, comme si nous le voyions de nos propres yeux. Et quand nous sortons de chez toi, nous sommes distraits par nos familles, nos enfants et nos femmes, et les choses qui nous préoccupent. D'ailleurs, c'est-à-dire les choses qui nous éloignent, on va dire. Et nous oublions beaucoup. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, par celui qui tient mon âme dans sa main, si vous étiez tout le temps, constamment, comme vous l'êtes avec moi, alors les anges vous serraient la main dans les chemins et sur vos lits. Cependant, ô Hanzara, une heure pour chaque chose, un temps pour tout. Il le dit trois fois. Chaque chose son temps. Donc là, ce hadith nous rappelle que des fois, tu as des choses que tu es obligé de faire. Donner un temps à ta famille, qu'ils ont un droit sur toi, les invités, ou ceux qui travaillent, des choses dont tu as besoin, qui sont liés à la dunya, tu en as besoin. Et lors de ces moments-là, qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que ta foi n'est pas comme lorsque tu es dans un cours. Tu as le rappel. Une khutba, tu as le rappel. Une conférence, tu as le rappel. Une exhortation, tu as le rappel, ce genre de choses. Mais ces choses-là, elles sont inévitables. Donc là, ce hadith te démontre quoi? Que ta foi descend dans ce moment-là. Quand tu es lié dans les choses de la dunya, c'est-à-dire quand tu es dans les marchés, tu achètes des choses, quand tu es en train de faire des choses qui sont liées à la dunya, ta foi n'est pas comme lorsque tu es dans un ders ou une khutba, ce genre de choses. Pareil. Donc, le hadith est une preuve que ta foi monte et descend. D'accord? Elle descend. Et que les croyants ne sont pas tous égaux. Certains sont meilleurs que d'autres. Comme le prouve le hadith d'Abi Huraira, un muslim, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Al-mu'minu al-kawiyu khayrun wa ahabu ilallah min al-mu'min al-da'if wa fi kulin khayr. Que le croyant qui est fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant qui est faible. Et que tous ont du bien. Du moment que tu as la foi, il y a du bien en toi. Et lorsqu'on dit le al-kawi, à la base, c'est celui qui a une foi forte. Pas forcément celui qui est fort physiquement. Car tu peux être fort physiquement et avoir la foi qui est faible. Et un, il est plus maigre que toi, moins physique que toi, et une foi plus forte que la tienne. C'est celui-là dont on parle. Maintenant, quand tu lis les deux, c'est encore mieux. Tu as une foi qui est forte, physiquement tu es fort, c'est encore mieux. D'accord? Mais quand on dit fort physiquement, ce n'est pas non plus ta kalouf, comme on a déjà parlé. C'est pas que tu passes ta vie à t'occuper de ton corps. Et également, parmi les choses qui démontrent que les mu'mines ne sont pas de même niveau, au Jannah, il y a des darajat. Certains sont plus hauts que l'autre. Pour les actes qu'ils auront eus, ou pour la foi qu'ils ont eue, la force de foi qu'ils ont eue par rapport à d'autres. La scène des shahid, n'est pas comme les autres, celui qui meurt shahid. Et ce dirk est encore plus haut. D'accord? Le alim, innama yashallah min ibadihi, al-ulama'u. Seul craigne Allah comme ses serviteurs, les savants. Donc la foi du savant est plus haute. Pourquoi? Parce qu'il connaît Allah subhanahu wa ta'ala plus. Et ça, c'est ta'at, rabbi l'aim, comme cela va venir, inshallah. طيب. Donc là, nazid fa'idatan min kalam al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans le wasatiyya, il dit, dans le chapitre de la foi, il dit que les causes d'augmentation de la foi sont de quatre. Awalan, ma'rifatullahi ta'ala wa asma'i wa sifatihi. Le fait de connaître Allah, ses noms et attributs. Et cela inclut quoi? Talab al-ilm. Tu ne le connaîtras pas comme ça. Il faut apprendre. Également, قال, deuxième cause, an-nazar fi ayati Allah al-kawniyati wa shar'iyya. Kafi qawli ta'ala, afalanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, wa lis-sama'i kayfa rufi'at, wa lil-jibali kayfa nusibat, wa lil-ardi kayfa sutihat. Shar'iyya. Le fait de regarder la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est signe. C'est signe de la création et c'est signe légiféré. Et les signes légiférés, par exemple, qu'il médite sur les règles de la religion. Et celui qui médite sur les règles de la religion se rend compte de la sagesse immense qu'elles englobent et qu'elles sont une réforme pour l'humanité entière. Donc cela te manque de la foi. Tu dis que même si tous les hommes se réuniraient pour faire des lois, ils ne pourraient faire des lois aussi parfaites que les lois d'Allah. C'est pas possible. Donc cela te manque ta foi. Que ce soit les hudoud, les sentences, le récompense, tout cela n'est que réforme pour la Ummah. Naam. Troisièmement, kafrat at-ta'a. Les grands multitudes d'actes d'adoration. De bien les accomplir. Car cela démontre que les actes vont partir de la foi. Donc plus tu vas en faire, plus ta foi va monter. Bien entendu. Et rabi'an, quatrième cause, le fait de délaisser tark al-ma'asiyah, takarruban ila Allah, le fait de délaisser les obéissances pour se rapprocher d'Allah, et non pas pour autre chose. Alors quelqu'un demain, un exemple, il fume, son médecin lui dit que tu as un cancer des poumons, tu vas mourir. Il arrête de fumer par peur de la mort. Est-ce que lui, il a délaissé la cigarette pour Allah? Non. Pour sa santé, par peur de mourir. Donc sa niya, ce n'est pas le fait d'obéir à Allah, c'est juste parce qu'il craint pour lui. Par exemple. Ensuite, il cita les causes contraires qui, elles, font diminuer la foi. Quelles sont-elles? Tout simplement les contraires de ces quatre causes-là. Première, le fait justement de se détourner d'Allah, de ne pas apprendre qui est Allah, sinon les attributs. Deuxièmement, de ne pas méditer sur sa création, ni sur sa religion. Troisièmement, de ne pas faire beaucoup d'œuvres d'adoration. Cela amène à ce que ta foi diminue. Et quatrièmement, le fait de commettre des péchés. De commettre des péchés. Comme a dit Ta'ala, « Kalla bel rana la kulubihim makanu eksibun » Mais plutôt, ce qu'ils ont commis vont recouvrir leur cœur. Les péchés recouvrent ton cœur. Donc là, il est invraisemblable de trouver des gens qui te disent qu'un mu'min, tu peux avoir la foi, de se dire, suivre cette définition de la foi, et ensuite dire que le croyant, d'accord, même s'il ne fait pas d'actes, les actes des membres, il a quand même la foi. On dit comment cela? Cela n'est pas cohérent. Comment tu dis que la foi augmente et descend? D'accord? Et on connaît les causes de descente et d'augmentation. Tu dis que celui qui décide des actes de membres totalement, il reste croyant. Quel effet il va avoir? Déjà, en délaissant les actes d'adoration, ta foi diminue. Donc là, tu n'en fais pas du tout. Quelle foi tu vas avoir? C'est totalement contradictoire de dire que la foi, elle augmente, elle diminue. Celui qui ne fait pas d'actes, c'est un croyant quand même. Non. Parce qu'elle va diminuer, jusqu'à ce qu'il n'y reste plus rien. Donc comment peux-tu dire que ta foi, elle augmente, elle diminue? Et de l'autre côté, tu dis que celui qui délaisse les actes des membres, il est quand même croyant. Il sortira du feu. C'est pas logique. Même le aql n'accepte pas cela. Pas même le aql. Par exemple, la femme, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand elle est quoi? Il a dit quoi sur elle? N'accepte l'aql ou din. Elles ont une raison diminuée et une religion diminuée. Pourquoi? Quand elle est isat. Iza hadat, lam tasum wa lam tusalli. N'est-ce pas que si elle a ses menstrues, ni ne fait salat, ni elle ne jeûne? Donc cela amène à quoi? Sa religion diminue. Sa religion diminue, ça en prend un coup. Et elle, les menstrues, généralement, ça dure, on va dire, 5 jours, une semaine, par là. Et à chaque mois, c'est menstruel. au fur et à mesure, ça fait un coup à la femme. Elle n'est pas comme un homme. Donc que dire celui qui fait rien du tout. Rien du tout. Comment il va être celui-là? Il va être croyant? Il ne fera pas croyant. Il sera croyant chez les Mourji'a, qui vont dire qu'il est le col et Ma'alifat al-Kolb. On dit non, ça ne fait pas de lui un croyant chez Al-Sunnati wa Jama'a. Il y a l'Amal bi-Jawarih aussi, qui vont avec. Donc ça, le fait de dire que les actes des membres, d'accord, ils ne sont pas partis de la foi, c'est de l'Ilja. Adam l'Ilja. Mafou Mahada? Taïeb. أنا أكتفي بهذا ونقول الحمد لله رب العالمين